ce podcast, je vais aborder vos histoires de poids. C'est une thématique qui nous rassemble tous. Nous aurons tous confrontés de façon plus ou moins importante à des variations de poids au cours de notre vie. Ce podcast, Raconte-moi ton poids, est une façon de vous laisser la parole sur vos histoires de poids. Je pense que vous pouvez vous retrouver dans ces histoires et j'espère que cela apaisera le rapport que vous avez aujourd'hui avec votre corps. Aujourd'hui, j'accueille Marie-Laure qui va nous raconter l'histoire de son poids. Elle ne s'est jamais sentie très bien dans son corps, beaucoup de complexes, malgré un poids qui n'a jamais beaucoup évolué, sauf depuis quelques années, à la découverte de plusieurs pathologies. Aujourd'hui, je ne vais pas demander à mon invité l'autorisation de la tutoyer, car je reçois quelqu'un de particulier pour moi, c'est ma maman. Est-ce que je peux te demander de te présenter, de me dire ton âge, ta profession, et quel est ton poids aujourd'hui ? Bonjour, je m'appelle Marie-Laure, j'ai 56 ans, je ne travaille pas, je suis à la maison et je fais 62 kilos. Non, 64 maintenant. Ça marche. Je vais maintenant te demander de me raconter l'histoire de ton poids. Alors, mon poids, quand j'étais jeune, adolescente, je faisais un 50 kilos, j'ai jamais mis 36 en fait, j'ai toujours mis que du 38. En vieillissant, je faisais 38-40, mais je n'ai jamais mis 36. Je ne sais pas ce que c'est de mettre des petites tailles, en fait, que ce soit en pantalon ou même en haut. Voilà, donc adolescente, je mangeais de tout. Ma maman a toujours fait à manger, elle a toujours fait tout elle-même. Je ne mangeais pas de plats industriels, donc j'ai appris à bien manger. Donc, je me privais de rien, je ne faisais pas attention. J'étais bien dans ma peau, malgré que par rapport à mes copines, je me trouvais toujours un peu grosse. Un peu de culotte de cheval, voilà. Je faisais pas de sport à l'époque, je n'ai jamais été sportive. Mes copines faisaient un peu de sport, mais sans plus. Et voilà, je me trouvais toujours un peu différente des autres par rapport à mon corps. Je ne sais pas pourquoi, mais tout le monde me disait que j'étais bien. Moi, je me trouvais jamais bien. Dans ton entourage, on t'a déjà fait ressentir que tu avais une apparence différente des autres ou pas ? Pas du tout. Juste toi qui avais cette impression-là. Alors pas du tout, on m'a jamais dit t'es grosse ou quoi, sauf que moi de ma vision d'adolescente, j'avais pas l'impression que les garçons me regardaient, et regardaient que mes copines. Moi j'ai jamais eu de copains étant jeune. Très jeune, enfin ouais, jeune ado. Oui c'est ça, moi mon premier, on va dire mon premier petit copain, je l'ai eu, j'avais 18 ans. Okay. J'en ai jamais eu avant adolescente, au collège. Mes copines avaient des chéries, on sortait avec quelques copines, quelques copains, mais moi, j'avais pas de copains, quoi. Pas de petits copains. Donc, ouais, c'était un peu ce regard des autres. Enfin, toi, c'était en tout cas ton regard par rapport aux autres, mais t'avais l'impression de pas plaire. Enfin, t'as l'impression que ton corps ne plaisait pas. C'est ça. J'avais l'impression de pas plaire. En plus, moi, mes parents avaient été ouvrier, donc je mettais ce qu'on appelle maintenant des vêtements de seconde main. Ouais. Et à l'époque, c'est vrai que je mettais des vêtements parce que mes parents avaient des voisins, on habitait en immeuble, et il suffit qu'ils avaient des grands-enfants, je mettais des vêtements de leurs enfants. Ouais. J'avais l'impression d'être jamais habillée à la mode, quoi. À la mode de l'époque, en fait. T'as l'impression que le fait de pas t'habiller comme tu l'aurais peut-être souhaité, ça a joué sur l'image de toi. Enfin, toi, ta perception de ton propre corps ? Bah oui, parce que moi, mes copines étaient, entre guillemets, toujours... Enfin, j'avais l'impression, toujours bien habillée par rapport à moi. Et c'est vrai que du coup, ça devait certainement me complexer par rapport à ça. Ok. Donc là, c'est le début des premiers complexes. Donc, le début des premiers complexes, sans vraiment m'en rendre compte, en fait. D'accord. Sauf par rapport à ma culotte de cheval, ça, mes cuisses, j'ai toujours eu du mal. Mais sinon, oui, moi, à part ça, je mangeais toujours normalement. Il n'y a pas eu de souci de ce côté-là. Ok. Après, arrivé à l'âge adulte, c'est pareil, je mettais mon 38-40, hein, j'ai jamais vraiment, vraiment changé. Après, j'ai connu mon copain qui est devenu mon mari, donc avec lui, c'est vrai que je faisais à manger déjà de moi-même, parce que j'ai toujours appris avec ma maman. On allait un peu partout, j'allais même dans les McDo à l'époque, donc comme quoi, même en se sentant pas bien dans sa peau, on mange pas forcément ce qui est bon. Et on n'y allait pas tout le temps. Et à l'époque, moi, je travaillais. Quand j'ai connu mon mari, au début, je travaillais. Et je travaillais à l'hôpital. J'étais à SH. Et du coup, j'ai toujours, même par rapport à mes copines, à mes collègues, je me suis toujours sentie un peu plus grosse que tout le monde, quoi. Ça a toujours été pas ma phobie, mais mon problème, en fait. Tu t'es toujours un peu comparée aux autres, de manière générale ? Ah bah oui, tout le temps. En fait, et la société aussi, parce que à l'époque, les mannequins, ils étaient squelettiques, ils avaient rien qui dépassait. Si on rentrait pas dans un 34-36, bah, on était grosse. J'ai su par le tard que Marilyn Monroe, qui était quand même idolâtrée, mettait du 42. Et je me disais, ah bah non, bah moi je pensais qu'elle mettait un petit 38, quoi. Donc du coup, voilà, c'est vrai que par rapport à ça, c'est un peu compliqué quand même. Parce que je m'habillais surtout avec des choses larges. J'ai jamais, je me souviens pas d'avoir mis des vêtements collants. C'était pourquoi? Pour te cacher? Ah bah pour cacher mes formes. Pour cacher, entre guillemets, mon corps, que je n'aimais pas plus que ça. J'ai rarement mis des choses très collantes. Ok. À ce moment-là, quand tu as rencontré papa, est-ce que ça t'a aidé aussi quand même à apprécier un peu plus ton corps ou t'as toujours quand même eu ce regard Alors non, quand j'ai rencontré ton père, du coup, bah, je me sentais belle, entre guillemets. Alors pas pour autant me regarder dans les miroirs, hein, parce que je ne me regardais pas dans les miroirs. Mais c'est vrai que j'avais un autre regard parce que je me disais, bah, je plais quand même. Parce qu'à ses Et yeux, je... du coup, Ah tu te voilà, sentais belle, c'est et du ça. coup, ça t'aidait dans ton regard sur toi. C'est ça. Ça m'aidait un peu plus sur mon regard sur moi. Alors je ne dis pas qu'au niveau des vêtements, je m'habillais voilà, très cool, avec des vêtements très collants, mais je me trouvais plus désirable, on va dire, plus jolie. Quand même. Depuis que, une fois que je l'avais rencontré, pour lui, j'étais comme tout le monde. Enfin, je veux dire, j'étais pas gros, j'étais pas maigre. À ses yeux, j'étais belle. Donc déjà, moi, ça me donnait un autre regard pour moi. Oui, parce que c'est vrai que enfin là je réfléchis en même temps quand je réfléchis aux photos qu'on peut retrouver dans les albums de famille quand je vous vois les premières photos où vous êtes tous les deux je me dis pas que t'es grosse ou autre je me rappelle des photos où t'as des pantalons taille haute des choses comme ça enfin des jeans et j'ai pas cette impression-là. Ben oui, c'est ça. Donc, et je me rappelle, c'est une anecdote, mais avec mon mari, quand on partait en vacances, donc c'était quand toi et tes frères étaient nés, parce qu'avant, on ne partait pas en vacances, on allait dans les campings, parce que ben, ton père, les campings, c'était toute sa vie, toute son adolescence, il voulait vous faire connaître ça. Sauf que moi, mon problème dans les campings, c'est qu'il fallait se mettre en short. Enfin, il fallait, c'était pas une obligation. Mais la plupart des gens sont en short. Oui, pour les Maillot vacances de bain pour d'été. aller à la piscine. Alors moi, comme j'aime pas l'eau, je prenais une excuse en disant, ah ben non, mais moi je veux pas la piscine aujourd'hui, parce qu'on venait à peine d'arriver, pour ne pas mettre le maillot de bain, pour ne pas me montrer aux autres, malgré que j'étais mariée, que j'avais mes enfants, et je vous avais vous. Et c'est vrai que du coup, c'était un peu compliqué. Et alors me mettre en short, c'était la croix, la bannière, parce que mes cuisses me gênaient. Je me trouvais énorme, enfin des grosses cuisses, queue de cheval. Et je me disais, non, mais tout le monde va me regarder. Alors que dans les campings, tout le monde est comme ça, personne ne se regarde. Mais moi, je n'avais pas ce regard-là. Ouais, t'as toujours eu besoin d'avoir ce comparatif aux autres, Tout le temps. du regard des autres en fait. Ouais, ça. Ouais, le regard. Alors, ça se trouve, les gens ne me regardaient pas. Mais moi, j'avais l'impression que les gens me regardaient. L'impression que les gens me détaillaient. Et ils se disaient, oh, ben celle-là, qu'est-ce qu'elle est grosse? Ah, ben, mais un truc comme ça, ben, ça ne lui va pas du tout. Ou voilà. Et c'est vrai que ça m'a toujours. À l'heure actuelle, je suis encore comme ça. Donc là, du coup, tu rencontres papa, tu mets toujours ton 38, t'es toujours un peu complexé, mais ça t'aide quand même à te sentir un peu mieux. Ça a duré du coup pendant quelques années, en Alors quelques oui, temps. ça a duré pendant quelques temps. On va dire que ça a duré. Alors, je me suis mariée, j'avais 25 ans. J'ai eu mes enfants entre 26 et 30 ans. Donc là, c'était la plus belle de mes périodes. Parce que je suis tombée enceinte de toi, j'avais 26 ans. À peine 26 ans, ouais, 26 ans. Et là, je me suis sentie belle, en fait. Le fait d'être enceinte. Qu'est-ce qui a changé? Bah, je me trouvais belle en fait. Le fait d'être enceinte, de se dire bah, je porte un bébé. Alors, est-ce que c'est parce que le fait qu'on est enceinte? Est-ce que c'est parce que le fait d'être enceinte? Je me dis, le regard des autres, au contraire, vont pas me gêner. Parce que c'est valorisant. Tu portes la vie, t'as Alors, une oui, je forme de pense que c'est ça. grossesse. Je pense que j'ai une autre vue sur moi en fait. Le fait de porter un bébé, c'est beau. Le fait de porter un bébé, c'est beau Et du coup, je pense que là, il n'y a plus de complexe. En fait, c'est ça. C'est ça, c'est qu'il n'y a plus de complexe. C'est les seuls moments où, quand j'étais enceinte, où je me suis regardée devant une glace. T'as réussi à te, du coup, à ce moment-là, te détacher du regard des autres? Alors, j'y pensais beaucoup moins. Et à la limite, je trouvais beau que enfin, je trouvais bien que les gens me regardent à ce moment-là. Parce que le fait d'être enceinte, je trouve qu'une femme enceinte, c'est tellement beau, que je me disais, bah, ils me regardent, mais en fait, parce que je suis enceinte. Et parce que, comme tu disais tout à l'heure, je porte la vie. Et à ce moment-là, moi, je me trouvais plus de complexe. Je me regardais dans les miroirs, je m'admirais, je rentrais dans les magasins, je pouvais tout essayer. Parce que, voilà, je sais pas, dans ma tête, le fait d'être enceinte a dû faire un déclic en se disant, bah, même si tu prends un peu de kilos, même si tu as un peu de forme, mais c'est ton bébé qui fait ça. Et je pense qu'inconsciemment, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et du coup, oui, le regard des autres, à ce moment-là, bah, me gênait plus du tout. Au contraire, je me disais, bah, ils me regardent parce qu'ils me trouvent belle. Ok, ouais, Alors donc que tout le contraire de ce que je pensais avant. du coup, tu as débuté ta grossesse, pour resituer, du coup, c'est moi la première. Donc du coup, pour la grossesse, quand tu m'as attendue, tu faisais combien juste avant ta grossesse? Avant que je sois enceinte, je faisais 48-49 kilos. D'accord. Donc je suis tombée enceinte de toi. J'ai fait du diabète gestationnel, D'accord. qui n'a plus rien à voir avec ce qu'on entend aujourd'hui, ce que j'ai entendu il n'y a pas encore très longtemps. Quand on fait du, enfin, tu vas me le dire si c'est vrai ou pas, mais quand on fait du diabète gestationnel aujourd'hui, on fait des dextros régulièrement pour voir le taux de diabète dans le sang. Oui, on mesure effectivement la glycémie. Voilà. Moi, à l'époque, j'ai fait la fameuse prise de sang et le fameux test avec le glucosé pour voir mon taux de glycémie dans le sang. Ça, c'est toujours le cas. Et on m'a dit, bah, madame, vous faites du diabète gestationnel. Donc, vous faites du diabète dû à votre grossesse. OK, pas de souci. Donc, j'ai été voir mon médecin. Donc, la prise de sang confirme bien. J'ai été voir mon médecin traitant ou ma gynécologue à l'époque, je ne sais plus, qui m'a confirmé que je faisais du diabète, qu'il fallait que je fasse. Donc, à l'époque, moi, j'étais aide-soignante. Donc, il m'a dit, bah, faudra faire juste un régime diabétique. Vous faites très attention. Bon, moi, évidemment, en tant qu'aide-soignante, je savais ce que ça voulait dire. Donc, bah, j'ai fait un régime comme pour les diabétiques, en fait. Mais j'avais aucun autre suivi jusqu'au terme de ma T'étais pas grossesse. accompagnée plus que ça. C'est ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi, j'ai quelques patientes, effectivement, que je suis pour les grossesses, qui ont du diabète gestationnel. Et effectivement, il y a un accompagnement un peu plus poussé. Maintenant, aujourd'hui, alors ça marche avec des applications, c'est vachement bien fait. Elles rentrent leur glycémie. S'il y a besoin, du coup, elles sont contactées pour refaire un bilan. Oui, tout est hyper, enfin, quand même beaucoup plus suivi. Ok, donc du coup, tu faisais attention à ton alimentation. Qu'est-ce que tu avais mis en place du coup par rapport à ce diabète gestationnel? Alors déjà, les produits sucrés, je mangeais plus de sucre en tant que tel. Toutes les choses vraiment très sucrées, j'en mangeais plus. Et après, je faisais attention dans tout ce qui était légumes, fruits, sucrés, évidemment, ou enfin, qui avaient une teneur en sucre un peu plus soutenue. Donc j'en mangeais beaucoup moins et je faisais énormément attention à mon alimentation. Tu mangeais bien, tu pourrais Je dire? mangeais bien, alors je mangeais déjà bien, mais encore mieux parce que bah, là j'avais arrêté tout ce qui était alors, les fast-foods, entre guillemets, on n'y allait pas souvent, mais de temps en temps quand on est jeune, on allait en boîte, alors on sortait le soir à 3-4 heures du matin, on allait se manger ce qu'on appelait nous le sandwich américain, c'est le sandwich, les frites, la viande dedans, tout ça je faisais plus. Alors déjà on n'allait plus en discothèque non plus, mais je veux dire, voilà, il y avait des choses que je faisais plus ou moins. Qui avait Par changé. rapport à mon diabète gestationnel. Parce que je ne voulais pas, alors déjà, par rapport au diabète, je ne voulais pas que ça devienne un diabète qui s'installe, et aussi pour le bébé. Parce que le diabète gestationnel, c'est bien, mais pour le bébé, ce n'est pas forcément bon. Et du coup, je faisais attention à tout ça. Effectivement, quand on a un diabète gestationnel, on a des risques d'avoir un plus gros bébé. Donc effectivement, il y a des risques qui peuvent être importants pour l'enfant. Donc il faut aussi que la maman, du coup, fasse hyper attention à tout ça. Il y a pas mal de risques, effectivement. Ce pourquoi aujourd'hui, il y a un suivi un petit peu plus poussé qu'une femme classique qui attend son enfant et que tout se passe bien. Pendant la grossesse, tu as pris combien à peu près? Alors bah du coup ça limitait mon poids puisque je faisais très attention, j'ai pris 10 kilos Ok. en tout et pour tout. Donc j'étais arrivée à je devais faire 48-49, donc 50, même pas 60 kilos à la fin de ma grossesse. Donc j'ai accouché à 8 mois, t'es arrivée 4 semaines avant le terme, mais t'étais déjà un beau bébé, 3 kilos 250, voilà, enfin donc là il n'y avait pas eu de soucis, tout était bon quoi. Comment t'as vécu psychologiquement le fait de te dire que t'avais pris 10 kilos? Est-ce que ça restait quand même positif parce que c'était toujours dans cette démarche de grossesse? Alors oui, les 10 kilos, moi je les ai. Alors, je les ai pas ressentis partout. Alors, les cuisses, les fesses, le ventre, mais je les ai très bien vécues en fait. Je me suis même pas dit, t'as pris 10 kilos, mais comment tu vas faire pour les perdre? Pas du tout. Ils étaient là, mais en plus à l'époque on pesait pas. Moi j'y allais tous les 3 mois pour mes échographies, on me pesait à ce moment-là. Mais on m'a jamais dit, ah bah attention, vous avez pris tant de kilos. Non, pas du tout. Après, 10 kilos, ça reste une prise de poids qui reste normale par rapport à une grossesse. En moyenne, aujourd'hui, on dit, voilà, 12 kilos pour une grossesse, c'est une prise de poids qui est totalement normale. Donc oui, je me doute que personne t'avait alerté là-dessus. Après, j'imagine qu'une fois que t'avais accouché, en moins le poids du bébé, le poids du placenta, du liquide amniotique, il ne devait plus te rester grand-chose non plus en termes d'excès de poids. Ben non, une fois accouchée, en fait, il devait me rester 3-4 kilos, à peine. Je ne sais même pas si j'avais 4 kilos à perdre. Alors, je ne rentrais pas dans mes pantalons, hein, je ne rentrais pas dans mes jeans ou dans mes pantalons, parce que bon, fallait comme j'avais quand même pas mal, quand même, j'avais quand même à perdre, mais j'avais pas beaucoup de kilos en soi une fois sortie de la maternité. C'est vrai que je rentrais pas dans mes jeans d'avant, mais voilà, c'était plus simple. Donc je suis rentrée à la maison avec on est rentré avec le bébé, tout ça. J'ai repris mes habitudes alimentaires, j'ai refait attention, j'ai pas fait de sport plus que ça, mais mon poids est redescendu à la normale. Je suis redescendue à 49, 50 kilos. À l'époque, c'était très bien, je faisais 1,57 m, enfin je me sentais bien dans mon corps, j'avais mon bébé, tout se passait bien, enfin il n'y avait pas de soucis. Quand tu Donc dis je refaisais attention, c'était t'avais repris juste ton alimentation normale ou t'avais fait un régime ou quelque chose comme ça? Non, non, non, j'avais repris que mon alimentation normale. À toi, j'avais rien fait. Pas de régime. Je connaissais pas, enfin, je connaissais pas. C'est un grand mot, mais je faisais pas de régime en tant que tel. J'allais pas voir quelqu'un ou j'allais pas, voilà. Ça, je faisais pas. À toi, non, j'avais repris mon poids normal, sans problème, sans, voilà. Du coup, post-accouchement, quel était le rapport à ton corps une fois que t'étais plus enceinte et que t'avais plus ces formes de grossesse? Alors, je ne me rappelle pas exactement parce que j'étais vraiment focalisée. Bon, avec le bébé, on a plein de choses. Et c'est vrai que je pense que j'avais mis de côté mon côté psy par rapport à mon poids. Et à mes. Je n'ai pas le souvenir de me ressentir mal comme avant. Je pense que je m'étais acceptée mon corps de femme maman. Et il m'allait très bien. Je ne me souviens pas à ce moment-là d'avoir eu des gros soucis de se dire oh là là, mon corps est devenu comme ci, comme ça. Non, pas à toi en tout cas. Tu t'es pas lamenté sur ton corps comme ça pouvait l'être un peu avant avec ses complexes et de dire ah oh, ma culotte de cheval, enfin c'est ce que tu disais Oui, tout à oui. l'heure. Non, non, non. Non, non, parce que dans mon souvenir, je m'habillais normalement et j'avais moins cette idée focalisée sur certaines parties de mon corps. Du coup, sur l'entre-deux grossesses, ça a été plutôt une bonne période dans ton rapport à toi? Oui. Alors, je ne me regardais pas plus dans le miroir après avoir accouché, évidemment. Les miroirs, moi, j'en ai presque pas chez moi et j'en ai pas beaucoup. Mais j'étais moins focalisée sur mon corps à moi, du coup, sur moi. Donc, après sont venus tes frères, 2 ans après, puisque le temps des 9 mois et puis qu'ils arrivent, ça faisait 3 ans. Mais donc là, bah, grosse surprise quand on nous a annoncé qu'il y en avait deux. Du coup, je me suis dit, bah là, ça va être une autre paire de manches parce que 2, ça veut dire 10 plus fois 2, ça fait 20 kilos. Et on m'avait dit, j'ai eu un suivi plus poussé. Là, par contre, je voyais l'obstétricien tous les mois, il me pesait, tout ça, et on faisait des échographies tous les mois parce que 2 bébés égale grossesse à risque. En plus, moi, j'ai un problème avec mon utérus, c'est qu'il est très contractile. Au moins, déjà, toi, j'ai fait 3 menaces prématurées, 3 menaces d'accouchement prématuré. Et à tes frères, ouais, j'ai eu des gros soucis aussi par rapport à ça. Donc, il fallait pas que je prenne trop de poids. Mais il fallait aussi que, voilà, les 2 bébés étaient là, il fallait bien qu'ils poussent. Et bah, à l'inverse de toi, j'ai pas fait du diabète gestationnel, mais j'ai fait de l'hypoglycémie à tout va, en fait. Je faisais des malaises, j'avais des malaises hypoglycémiques. Donc, il a fallu que je mange en repas fractionné. Donc des choses quand même adaptées, enfin dites pas forcément des choses mauvaises à manger, mais j'ai l'impression de manger tout le temps. Et là est arrivé le poids qu'il ne fallait surtout pas que je fasse. J'ai pris 26,5 kg à la grossesse de tes frères. D'accord. Donc déjà j'étais arrivée à 4 mois, 4 mois et demi, 4 mois. L'obstétricien me pèse, il me fait, oh là là, vous avez pris 17 kilos. Ben, je dis, oui, mais il y en a deux. Ah non, non, mais c'est beaucoup trop. Vous vous rendez pas compte. Et à la fin, du coup, oui, j'avais pris 26 kilos et demi. T'as un peu alerté sur ça. Toi, du coup, comment tu te sentais? Est-ce que psychologiquement, tu te sentais toujours aussi bien d'être enceinte? Comment ça s'est passé? Alors, au début, oui, je me sentais bien parce que bah, j'avais 2 bébés qui poussaient dans mon ventre, donc encore mieux. Je m'admirais dans la glace, hein. Alors pas tout dans la grossesse, que malheureusement j'ai été hospitalisée 8 semaines, parce qu'à 29 semaines j'ai failli les perdre. Et du coup j'ai été hospitalisée pendant 8 semaines. Donc j'ai été un mois couchée, 4 semaines couchée, mais quand je dis couchée, c'est alité, alité. J'avais le droit de rien faire. Toilette au lit, etc. Voilà. Après j'ai eu le droit de faire le tour de mon lit, le tour de ma chambre, pendant 8-10 jours. Donc ça faisait. Donc, ça faisait un mois et demi. Et sur les 15 derniers jours, j'avais le droit de marcher dans le couloir. Alors, je n'allais pas très loin, parce que normalement, c'était toujours très fragile, les contractions. Mais, alors là, par contre, quand je me déplaçais, j'avais l'impression d'être un petit bonhomme chamallow, quoi. J'ai l'impression d'être un petit bonhomme Michelin, avec tous ces petits bourrelets partout. Mais ça me pesait lourd en plus. Et j'ai fait aussi, pendant cette grossesse-là, j'ai été pleine d'œdème. Mais quand je dis pleine d'œdème, de la tête aux pieds. Oui, et puis toi, t'es pas très grande, donc en fait, la prise de poids, elle pouvait se voir assez facilement aussi, du coup. Ah bah les gens, quand je marchais dans le couloir, je me rappelle à l'UGP, la grossesse, unité de grossesse pathologique à l'époque, les gens qui venaient voir les patientes, les gens se retournaient sur moi, quoi. Mais alors là, pas pour se dire, ah, oh, elle est belle d'être enceinte. C'était plus, je pense, pour dire, mais oh, enfin, j'étais tellement grosse que je pense que les gens, ils étaient. Leurs yeux se parlaient tout seuls, en fait. C'était plus par rapport à ça. Oui, et puis du coup, grossesse gémère, du coup, bah, naturellement, t'avais un gros ventre, parce que du coup, t'avais deux bébés. Donc, pour raconter une petite anecdote, il y a une photo dans les photos de famille qui me fait toujours très rire, c'est que à la fin de la grossesse, maman, quand elle était dans le lit d'hôpital, elle pouvait pas atteindre le plateau, donc en fait, elle mettait l'assiette sur son ventre pour manger. Tellement le ventre, il était gros, donc voilà, c'est assez drôle. En tout, t'as pris combien de poids pour la grossesse des gars? Donc 26 kilos et demi. Ok. À la suite de ça, tu as, enfin, accouchement, tout ça, tu as réussi à en reperdre. Alors là, quand je suis sortie de la maternité, j'avais encore 16 kilos à perdre. En fait, les deux bébés, donc ils étaient gros en plus. Alors une maman, alors gros poids, mais aussi ils faisaient 2,950 kg chacun. Donc ça faisait deux gros bébés. Donc autant de bébés, enfin. Quand il y en a deux, le placenta, du coup, j'avais qu'un placenta, c'est des monozygotes, c'est des vrais jumeaux. Donc j'avais qu'une poche, donc j'avais deux fois plus de liquide amniotique. Donc automatiquement, tout ça pesait déjà beaucoup plus lourd qu'une grossesse normale. Bien sûr, oui, complètement. Du coup, bah, naturellement, si ton ventre est plus gros, c'est qu'aussi il y a plus de choses à l'intérieur. Oui, au niveau du placenta, liquide amniotique, bah, le poids des deux bébés, et du coup, ça c'est complètement logique que tu aies une prise de poids qui soit plus importante qu'une grossesse unique, simple. Voilà, c'est ça. Donc du coup, je suis ressortie de la maternité, donc j'étais encore évidemment grosse, j'avais encore du ventre, et donc j'avais 16 kilos à perdre. Donc au début, je me suis dit, bah, de toute façon, je vais prendre le temps, je prendrai le temps qu'il faudra, de toute façon, il y en avait deux. Mon bassin s'était élargi aussi, donc pour rentrer dans mes pantalons, c'était déjà beaucoup plus compliqué, parce que mon bassin était plus large, du fait, je pense, aussi de la grossesse. Je pense que bah, au niveau des os, ça s'est un peu écarté. Alors j'étais pas non plus large, large, mais mon bassin s'était un peu plus élargi. Donc je me suis dit, voilà, je ne me suis pas pris la tête au début, je me suis dit, ça va se faire, ça va se faire. Bon, les garçons ont arrivé à 6 mois, donc c'était à peu près 15 jours, 3 semaines avant que je reprenne mon travail, parce que je travaillais toujours à l'hôpital. Et là, bah, pas de chance, les 16 kilos ne sont, pour ainsi dire, pas partis, j'avais dû perdre 2-3 kilos et encore à peine, à peine. Donc 6 mois après, du coup, tu étais toujours quasiment plus 16, enfin, plus 15, quelque Ah chose oui, comme ça. c'était horrible. Et Qu'est-ce que tu as fait? alors, ce que j'ai fait, c'est que ta nourrice de l'époque suivait le programme Weight Watcher. Du coup, elle m'en avait parlé, ce que je lui ai dit, mais moi, je ne peux pas rester comme ça. J'ai dit, écoutez, si vous voulez, un soir qu'on y va, venez avec nous, vous allez voir ce que ça fait. Enfin, comment ça se passe. Ça vous dit, vous vous inscrivez, ça vous dit pas, vous vous inscrivez pas. Donc, j'y suis allée avec eux un soir. Donc, j'ai fait une séance factice, en fait, avec eux. Et c'est vrai que ça m'a paru super bien. Donc je me suis dit, bah pas de souci, je m'inscris, je paye tous les mois et j'y vais. Et là, j'y suis allée tous les mois pendant presque un an. Parce que pour perdre 16 kilos, moi, je ne perds pas facilement, malgré que j'étais quand même assez jeune. Et j'ai perdu mes 16 kilos. Je suis redescendue à mon poids de 50 kilos. Donc eux, ils nous donnaient après une mesure entre 50 et 52. Ce n'était pas grave, on restait bien. J'avais stabilisé mon poids à 50-51. Donc quand je faisais 52 kilos, je reperdais vite, mais je refaisais un peu plus attention. Et j'ai été stable comme ça pendant 10 ans. À ce moment-là, t'as retrouvé le confort dans ton corps, tu te sentais bien? Ah oui, je me sentais bien. Je me sentais bien et même peut-être mieux que quand j'étais jeune. Ok. Malgré que je faisais pas forcément du sport, enfin je faisais du sport avec les enfants, parce que 3 enfants en bas âge, ça bouge. Mais et je travaillais, donc c'était aussi, c'était parce que je travaillais en réanimation, je travaillais 12 heures par jour, donc j'avais le rythme du boulot, le rythme à la maison, j'arrêtais jamais. Donc je faisais pas de sport, mais j'en faisais sans m'en rendre Tu compte. bougeais plus qu'avant quand même. C'est ça, je bougeais plus qu'avant, et je trouvais que j'avais moins de cuisses qu'avant, j'avais moins de fesses, mon ventre, bah j'en avais plus, ou moins. Beaucoup moins. Je remettais mon 38-40, donc avec 3 enfants, j'étais ravie. Et là, je me sens. Alors, je ne me regardais pas dans les glaces, mais j'étais ravie. J'allais dans les magasins pour essayer des vêtements, tout ça. Ça ne me gênait pas. Pas comme quand j'étais plus jeune. Moins de complexe du coup en général. Moins de complexe, du coup. J'étais, on va pas dire pas complexée ou plus complexée du tout, mais beaucoup moins de complexe. Je m'acceptais certainement mieux avec mon corps de femme maman que mon corps d'ado adulte. À ce moment-là, est-ce que le regard des autres t'importait autant qu'il ne t'importait avant? Ben en fait, je ne les voyais pas, le regard des autres à ce moment-là. Quand j'étais jeune, je voyais le regard des gens, des autres. Là, je ne le voyais pas. En fait, quand on sortait toujours tous les cinq avec tes frères. Même quand ils étaient bébés, on essayait de se débrouiller, on sortait toujours tous les cinq. Donc, le regard des autres, je ne les voyais pas. Parce que comme on avait le landau jumeau, les gens regardaient que les enfants, en fait. Et j'avais l'impression qu'ils ne regardaient pas nous, parents. Mais ils étaient plus focalisés sur les enfants. Et même quand j'étais toute seule, quand je sortais toute seule, je ne voyais plus ce genre de regard sur moi. Ou si quelqu'un me regardait, je ne le voyais pas en fait. Est-ce qu'il y a eu après d'autres étapes importantes? Alors là, c'est là où ça c'est devenu très compliqué. À partir, après 40 ans, tout le monde me disait, oh, tu vas voir, 40 ans, ton corps va changer, ta ta ta ta ta ta. Pas du tout. Moi, il n'a pas changé. Il a changé à partir de 41 ans. Parce que j'ai développé une hypothyroïdie. Et c'est là où ça. Tout a basculé en fait. L'hypothyroïdie, j'ai pris 10 kilos en 3 mois. Donc je suis remontée à mes 60 kilos que j'avais bah, ta grossesse à toi, sauf que là, il n'y avait pas de bébé. Oui, c'est ce que j'allais dire. Là, pour le coup, c'est un poids hors grossesse que tu n'avais jamais fait. C'est ça, que je n'avais jamais fait et que je ne voulais surtout pas atteindre. Parce que moi, j'ai toujours fait attention pour ne pas grossir. Alors, les gens qui sont costauds ou quoi ne me dérangent pas. Au contraire, je les trouve belles et je trouve que c'est bien qu'elles se sentent bien dans leur peau, dans leur corps. Moi, je ne me suis jamais sentie bien dans mon corps, même avec 3 kilos. Tu pourrais dire que tu es un peu admirable des personnes qui peuvent assumer leur forme? Ah, complètement, complètement. Moi, j'avais. Alors, quand je travaillais, hein, j'avais des collègues qui étaient très rondes. Moi, j'ai jamais dit très grosse, que je trouve ce mot-là très moche. Mais qui était pleine de forme en fait, mais qui s'assumait, qui se mettait des choses plus ou moins collantes sur leur peau, des choses amples, colorées, parce que moi je m'habillais beaucoup en noir, je ne l'ai pas dit, mais j'étais tout le temps habillée en sombre pour justement affiner mon corps. Elles se mettaient tout en couleur, elles étaient joyeuses et rigolotes, les gens les regardaient, elles n'en avaient rien à faire, mais je trouvais ça admirable et je me disais, mais pourquoi toi tu fais pas comme elles? Pourquoi toi tu dis pas, mais les autres, je m'en fous. Elle, en fait, c'est ce qu'elle disait. Le regard des autres, je m'en fiche. Moi, je me sens bien dans mon corps. J'ai envie de manger McDo, je mange McDo. Il fait beau, je mange une glace, je mange une glace. Elle s'interdisait rien. Moi, je m'interdisais tout. Et je les trouvais admirables. Oui, je les trouve. Et je les trouve toujours admirables. T'as jamais eu cette force du coup de te dire j'essaie de passer un cap là-dessus? Ça a toujours été très compliqué. Bah, psychologiquement, je crois que j'y arrive pas. Je pense que, bah, comme tu m'as déjà dit, hein, il faudrait certainement que je me fasse aider psychologiquement par rapport à ça. Parce que je me vois certainement plus grosse que je ne le suis, certainement. Je dis bien certainement parce que moi, je me vois forte, Toi, pas grosse, mais forte. au fond de toi, tu es persuadée que tu as des formes, enfin, qu'elles sont là et que C'est voilà. ça. Et du coup, je me dis, et c'est vrai que peut-être que oui, il faudrait peut-être que je vois quelqu'un pour ça. Parce que dans ma tête, je n'arrive pas à me dire, bah oui, je suis belle, oui, je suis bien habillée, oui, je. J'ai des formes, mais c'est des formes de femme de. Non, ça, je j'y arrive pas. Les compliments sur ton corps sont difficiles. Ah bah, pour moi-même, oui. Donc là, du coup, tu prends ces 10 kilos. Alors, je prends mes 10 kilos. Bah là, grosse panique. Donc là, les 10 kilos, alors 10 kilos, fatigue et tout ça. Donc, je vais voir le médecin. On décèle donc l'hypothyroïdie. Le médecin me confirme que ça allait être compliqué pour perdre mes kilos. Donc là, c'était l'engrenage. Donc là, j'ai tout essayé en fait, parce que je voulais perdre mes kilos. Alors, au bout de 6 mois, je les ai tous reperdus, soi-disant que ma thyroïde était en hyper. Et après, c'est redéstabilisé au bout de 6. Donc en tout, en 2 ans, j'ai joué en le yo-yo, plus 10, moins 10, plus 8, moins 5, etc. Et au bout de 2 ans, En fait, je devais avoir entre 10 et 12 kilos de trop. Donc, D'accord. à l'âge de 43 ans. Donc là, je me suis dit, là, il est hors de question que je reste comme ça. Parce que je m'aimais plus du tout. Mon mari me faisait des compliments sur mes habits quand je m'habillais. Je l'écoutais même plus, je l'entendais même plus. Et là, j'ai dit, il faut que je fasse quelque chose. Et là, j'ai commencé mes régimes toute seule. J'ai été voir une diététicienne à l'époque, il y a très longtemps, qui m'avait donné une feuille type, qui m'avait dit, bah, qui m'avait pas pesé, pas mesuré rien, et qui m'a dit, bah, vous faites ça, ça, ça, ça, ça, et voilà. Évidemment, je n'ai pas continué parce qu'il n'y avait pas de suivi derrière. Je la voyais au bout d'un mois, alors que j'étais vraiment pas bien du tout. Donc, j'ai dit, bah, je vais faire des régimes par moi-même. J'ai repris Weight Watcher. Donc, j'ai commencé à perdre, mais pas suffisamment. Et après, j'ai eu l'engrenage de faire du camp, qui ne m'a pas du tout aidé. J'ai fait la soupe aux choux, mais qui m'a complètement. Tu rigoles, mais c'est vrai. Ah, faut qu'on parle de ce moment-là. C'est une image qui m'a marquée. Alors, je sais qu'à l'époque, papa l'avait fait avec toi. Je me revois encore vous voir en plein hiver avec votre soupe aux choux en disant que c'était pas bon. En gros, c'était un. Enfin, pour résumer, c'était un genre de potage avec des morceaux de choux à C'est un l'intérieur. bouillon. Un bouillon, ouais, c'est exactement ça. Et je vous revois encore manger ça, mais vous aviez pas l'air enchanté par l'histoire, hein. Ah non, pas du tout. Alors moi déjà, moi j'aime pas tout ce qui est pot-au-feu, tout ça. Ça c'est déjà dans du bouillon. Alors là, quand je voyais l'assiette, j'avais pas envie de manger. Mais on nous avait dit, il faut. Alors j'en mangeais 3 fois par jour. Oui, je sais. J'en mangeais le midi, j'en mangeais l'après-midi. Et je mangeais, enfin, vers 10h, 10h30, midi, 1h, et je mangeais le soir ma soupe aux choux. Ah ben, j'avais perdu des kilos, mais j'avais détraqué tout mon système digestif. C'était une horreur. Mais bien sûr, quand on arrête ce genre de régime, qu'est-ce qui se passe? Ben, on reprend tout. Parce que, ben, après, on réadapte. Alors, c'était la soupe aux choux, on n'en mangeait plus le matin, on n'en mangeait que le midi, et puis on en mangeait le soir. Mais après, enfin, quand je dis le matin, c'était dans la matinée. Mais après, on adaptait avec la soupe, on adaptait un peu de féculents, de choses. Mais en fait, on reprend tous les kilos parce que. Et puis le corps, il n'est pas fait pour manger que ça. Oui, ça c'est clair. Donc voilà, donc j'ai essayé ça. Et puis j'ai essayé aussi. Donc ça, j'étais sur Internet parce que c'était l'époque où on allait sur Internet voir un peu tout et rien. Et j'ai découvert les tableaux des fameuses calories des aliments. Alors là, ça a été l'engrenage complet. Alors ça en fait, alors pour ceux qui me suivent en consulte, ça peut être des fois le genre de tableau que je peux consulter pour voir en fait de quoi est composé chaque aliment. Vous allez avoir dedans de répertorier le nombre de calories, la quantité de protéines, de lipides, de glucides, le fer, enfin, vraiment le descriptif. C'est vraiment quelque chose qu'on voit nous par exemple en cours quand on est en cours de diététique, mais c'est pas des choses qui devraient être utilisées en tout cas par la population, en tout cas pour faire ce que tu as fait par la suite. Je te laisse raconter. Donc du coup, j'ai commencé à aller voir sur Internet et j'ai commencé par imprimer des tableaux. Donc sur tout, mais tout, tout, tout, tous les aliments. La viande blanche, la viande rouge, la viande de porc, la viande de l'agneau, tous les fruits, tous les légumes. Donc il y avait tout. Leur composition, les protéines, les machins, les fibres, le nombre de calories pour 100 grammes. Et moi, du coup, je pesais tout. J'ai adapté ça à mon régime perso et j'ai tout calculé. Et je m'étais mis une base de 1000 calories par jour. Parce que je trouvais que au-dessus de 1000 calories, ben, il y en avait trop. Et du coup, il fallait que je réduise mes quantités, que je réduise mes calories. J'avais trouvé que ça, en fait. Et dans ma tête, psychologiquement, c'était très bien. Et j'ai fait ça pendant quelques temps. Oui, je me rappelle que tu avais fait ça quand même pendant quelques temps. Alors, c'est pas l'époque où. Alors, moi, j'étais. Je sais plus à quel âge j'avais à cette époque-là. Mais j'étais encore en études classiques. J'avais pas encore l'idée de devenir diététicienne. Mais je me rappelle que je me disais, mais qu'est-ce que tu fais? Enfin, on a déjà eu cette conversation. Hein. Je me disais, mais qu'est-ce que tu fais? En plus, du coup, c'était hyper restrictif pour maman parce que dès qu'on avait des invités ou autre, elle calculait combien allait coûter son repas. Et du coup, limite, le soir, tu mangeais pas parce que t'avais trop mangé le midi. Enfin, parce que t'avais déjà atteint tes 1000 calories. Enfin, c'était n'importe quoi. C'est ça, c'est ça. Donc le petit déjeuner, c'était tant de calories, le midi, c'était 30. Alors je me suis dit, je vais me faire à peu près, moi j'adore le petit déjeuner. Donc j'avais dit, bah, 400 calories le petit déjeuner, 300, 300, midi et soir. Mais 300 le midi et 300 le soir, franchement, il n'y a rien dans l'assiette. Et j'avais tout enlevé à côté. Donc j'avais enlevé énormément de féculents, toutes les sucreries, tout ce qui était sucré. Je mangeais que des fruits, je mangeais que des fruits. Alors, qui était sucré, oui, mais en toute petite dose, parce que le raisin, tout ça, ça. Et les légumes, pareil. Alors, la betterave, j'en mangeais plus beaucoup. Les carottes, j'en mangeais, mais alors, pas beaucoup non plus, parce que c'était sucré. Et du coup, j'avais éliminé plein de choses. Alors là, oui, j'avais perdu des kilos, hein. Mais des kilos qui n'étaient pas bons à perdre. Et pas, je ne les ai pas perdus correctement, en fait. Alors, tu avais les problèmes de thyroïde, mais est-ce que tu as eu l'impression que sur cette phase, tu t'es sentie plus fatiguée? Alors, fatiguée, oui, évidemment, puisqu'il me manquait plein de choses. Mais moi, dans ma tête, c'était exactement ce qu'il me fallait. J'étais pas consciente que je faisais du mal à mon corps, en fait. Là, après coup, avec du recul, t'as vraiment l'impression d'avoir fait du mal à ton corps à cette période-là. Ah bah oui, je pense que je ne l'ai pas aidé pour perdre mes kilos. Alors oui, je l'ai aidé parce que moi, j'ai perdu mes kilos. Mais le problème, c'est que quand après, j'ai eu des problèmes de santé qui se sont déclarés, le souci, c'est que bah, mon corps, il a fallu qu'il réajuste vraiment parce que j'ai eu des traitements qui ont été quand même assez lourds, lourds pour moi, et des traitements qui font, entre guillemets, grossir. Et là, ça m'a pas aidé parce qu'il a fallu que je remange quand même autre chose que ce que je me privais. Là, et quand j'ai repris une alimentation entre guillemets normale, toujours pareil, en enlevant des choses dans mon assiette, mais qui pour moi qui était normale, mais en mangeant plus, bah, automatiquement j'ai repris plein de kilos, quoi. Ouais, tu as eu vraiment cette phase de restriction. Est-ce que tu saurais à peu près dire combien de temps ça t'a duré, cette phase de restriction? Alors, ça, au moins 2 ans. Au moins 2 ans. Juste pour qu'on situe, donc à la suite de ça, du coup, c'est là où tu as déclaré tes soucis articulaires, si je dis Alors pas de voilà, c'est ça. bêtises. Oui, c'est ça. Donc du coup, j'ai développé donc mon hypothyroïdie. Le temps qu'il me la stabilise, du coup, j'ai développé en 2 ans de temps, du coup, parce que j'ai mis du temps à la stabiliser quand même. Une polyarthrite rhumatoïde. Un lupus d'abord, un lupus articulaire. Après, 6 mois, 1 an après, une polyarthrite rhumatoïde qui a duré pendant plus de 6 ans. Donc là-dessus, j'ai eu plein de traitements. J'ai eu de la cortisone, j'ai eu de la morphine, la cortisone à haute dose, j'ai eu de la morphine à haute dose, j'ai eu du méthotrexate aussi pendant longtemps. Donc tous ces médicaments-là, tous ces traitements-là. Alors moi, je savais hein, que bah, en tant qu'aide-soignante, la cortisone, si on mange trop salé, bah, ça fait gonfler, on a des œdèmes. Donc du coup, bah, moi, je m'étais restreinte sur tout ce qui était salé. Donc tous les aliments salés, je ne mangeais plus. C'est vrai que je me rappelle que tu as eu cette phase où tu mangeais sans sel. Ouais. Sans sel strict, parce que finalement, il y a sans sel et sans sel. Enfin, j'avais un matin, je devais être au lycée, je me rappelle un matin, j'avais piqué tes biscottes sans sel. Ah, oh, bah ça m'avait réveillée. C'est pas, enfin, c'est pas bon, mais Bah oui. non. Mais effectivement, oui, là, t'avais pas le choix avec les taux de cortisone que t'avais. Enfin, c'était obligatoire. Donc du coup, j'ai eu ces traitements-là pendant en tout pendant au moins donc 40 c'était 41 42. Oh bah oui, pendant au moins Bah, de toute façon, c'est pas dur, ça fait 15 ans que j'ai des douleurs et j'ai été plus de 12 ans en traitement. Comment a évolué ton corps et le rapport à ton corps sur toute cette période-là? Voilà, c'est une catastrophe. Je m'aimais plus du tout, j'aimais plus du tout mon corps, j'avais des formes partout. Donc je suis passée du 38-40 au 40, bien tassé. Je suis même montée jusqu'au 42, parce que là, j'avais pas le choix. Je me mettais que des choses très larges, des hauts très larges, qui descendaient jusqu'à des fois mi-cuisse. Pour cacher mes fesses, ma culotte de cheval, mes cuisses, cacher mon ventre. Je n'osais plus aller m'habiller. Je n'osais plus aller dans les magasins pour m'habiller, tellement je me sentais pas bien. Et là, je me trouvais, le mot que j'aime pas, mais je me trouvais grosse. Et je me trouvais très grosse à Pour toi, cette époque-là. c'était du coup négatif. Enfin, quand tu dis ce mot j'aime pas, c'est que c'est vraiment pour toi le summum. Enfin, c'est quoi? C'est dégradant. Enfin, tu le connotes comment ce mot-là? Bah, le mot de grosse, alors déjà, je trouve ça moche comme mot, parce que personne n'est gros, on est comme on est. On est bien ou pas bien dans sa peau, mais on est comme on est. Et pour moi, grosse, pour moi, à moi personnellement, ouais, c'était vraiment le mot, comme on dit maintenant, obésité morbide. Bah, moi, à l'époque, grosse, c'était ça, en fait. Quand on entend les médecins qui disent à des gens, bah, vous êtes en obésité morbide, faut faire, faut. Voilà. Et bah moi, grosse, c'était vraiment le dernier des mots, quoi. C'était vraiment. Et un mot insultant pour moi. En fait, quand je me traitais de grosse, en fait, je m'insultais moi-même. Donc là, du coup, tu étais dans cette phase où tu étais au plus haut que tu as jamais été en termes de poids, en termes de vêtements. Qu'est-ce qui s'est passé après et Bah oui, compliqué? c'était compliqué, oui, parce que je me sentais pas bien dans mon corps. Et du coup, bah, j'ai toujours fait attention. Donc je ne suis pas retournée dans mes délires de calories et tout ça. Toi, tu as commencé à faire des études de diététicienne, du coup. Donc tu as commencé à me dire, bah oui, mais là, maman, il y a des choses que tu manges pas, il faudrait que tu manges. Et tu m'avais dit, quand j'aurai mon diplôme, on revoit ça ensemble. Et c'est ce qu'on a fait. En fait, pendant ces 12 ans, ces 10 ans, enfin plus de 12 ans où j'étais pas bien, après, toi, tu as fait tes études, on en a reparlé, on a tout étalé sur la table. Et là, tu m'as dit, déjà avec mes douleurs, j'avais des difficultés pour me bouger, pour me déplacer. Et tu m'avais dit que c'est des douleurs invalidantes, la polyarthrite. Et tu m'avais dit, mais maman, faut que tu fasses du sport. Je t'ai dit, mais non, moi, je ne suis pas sportive. J'en ai jamais fait, je ne vais pas commencer. Donc, tu m'avais dit, bah, t'aimes bien marcher, va marcher. Et quand j'ai été en arrêt maladie longue durée, j'ai commencé à aller marcher. Et là, ça m'a fait du bien. Donc, j'ai commencé à marcher deux, trois fois par semaine. Et après, je travaillais plus parce que j'étais en arrêt maladie, j'ai marché tous les jours. Tout en faisant attention à moi, à ce que je mangeais. Et là, tout le monde me disait, oh, mais qu'est-ce que tu fais? T'as fait un régime. En fait, en un an de temps, j'avais perdu mes kilos. Je ne me sentais pas forcément bien dans mon corps, mais j'avais perdu. Je remettais facilement mes jeans. J'avais perdu. Donc, du 42, j'étais redescendue à mon 40. Donc, c'était déjà une bonne victoire pour moi. Au niveau du poids, j'avais perdu. J'avais perdu quelques kilos quand même. Sur tous mes kilos que j'avais pris, j'étais redescendue entre 53, 55 kilos. Donc, j'étais quand même pas mal par rapport à mes 60, 62 kilos. Un poids du coup plus tolérable pour toi. Ah oui, beaucoup plus tolérable. Et tout le monde me disait, oh, mais qu'est-ce que t'as maigri, mais qu'est-ce que tu fais? Alors moi j'étais contente, évidemment. Pour une fois du coup d'avoir un regard positif de l'extérieur, parce que ça a toujours été, enfin de ce que tu disais pour ton adolescence, ça a toujours été hyper compliqué le regard des autres. Est-ce que pour une fois d'avoir un regard positif des gens sur ton corps, ça t'a aidé? Eh ben non. Parce que les gens me disaient ça et je leur disais, mais n'importe quoi. J'ai oui, j'ai un peu maigri, enfin j'ai un peu minci, mais je ne me trouvais pas maigre. Enfin, maigre, c'est un grand mot, hein, j'ai jamais été maigre. Mais je me trouvais pas comme les gens me voyaient en fait. Pour moi, alors oui, je rentrais dans mes pantalons en 40, oui, je refaisais que 53, 55 kilos suivant les moments, mais je me disais pas que c'était un beau poids. En plus, j'avais perdu des centimètres avec mes problèmes de maladie, tout ça. En plus, j'ai de la scoliose, donc depuis toute jeune. Donc, en fait, c'est vrai que je me suis tassée avec le temps. J'ai perdu de 1,57 m, je suis passée à 1,53 m, 54. Donc, pour certains médecins, c'est 1,54 m, j'ai perdu 3 cm. Donc, 55 kilos, 1,54 m, je me disais, ben, je vois pas où je suis maigre. Parce que pour moi, 1,54 m, fallait que je fasse 48 kilos. J'aurais voulu retrouver mes 48 kilos à l'époque, mais je me disais, c'est impossible. Et tout le monde me disait, ah, oh, mais t'es bien comme ça. Tout le monde me voyait avoir minci ou maigri, sauf moi, en fait. Pas autant que eux. Donc du coup tu marches, tu t'affines, tu retrouves un poids plus tolérable pour toi, on va dire. Qu'est-ce qui se passe après? Bah, ce qui se passe, c'est que ma thyroïde s'est redéréglée. Elle était stable pendant ces 12 années qu'on a réussi à la régler. Donc de 42, 43 ans jusqu'à bah, mes 54 ans. Il y a non, même pas 55, puisque ça fait un an. Il y a un an de ça à l'arrière, ma thyroïde s'est déréglée. On ne sait pas pourquoi. Mais quand je dis déréglée, elle n'a jamais été comme ça. Donc là, fatigue, irritabilité, avoir envie de manger. Donc j'ai repris des kilos. En tout, j'ai repris 7 kilos par rapport à ce que j'avais moi. Parce que en plus, j'ai un métabolisme qui est lent du fait de mon hypothyroïdie. Donc, du coup, le peu que je mange, je prends tout de suite. Effectivement, il y a les pathologies qui sont là et qui, de toute façon, impactent, ça c'est clair. Mais je pense que toutes ces années aussi de régime post, quand tu as eu tes premiers problèmes de thyroïde et que tu as fait, que tu as refait du camp, tu as refait Weight Watcher, tu as fait tes comptages de calories, je pense qu'au niveau de ton métabolisme, indirectement, tu l'as aussi abîmé un peu. Ah bah Au oui. niveau du stockage, il stocke beaucoup plus facilement aussi. Alors, ça se régule, mais sachant qu'en fait, tu as les pathologies encore en plus, c'est compliqué. Bah oui, c'est compliqué. Et donc du coup, bah, en plus, avec toi, on avait remis tout à plat. Tu m'avais dit, faut que tu remanges des féculents. Je t'avais dit, ah bah non, mais moi, je mange des féculents, je prends du poids. Tu m'as dit, non, c'est dans ta tête ça. Et du coup, tu m'as refait un planning de rééquilibrage alimentaire, adapté évidemment par rapport à toutes mes pathologies et à mes traitements. C'est vrai que mon poids s'était bien stabilisé, 55, bon, j'étais voulu descendre plus bas, mais dans l'ensemble, c'était bien. Quand ma thyroïde s'est redéréglée, là, il y a presque un an, tu m'as dit, ouais, mais voilà, tu reprends du poids, mais il y a aussi la thyroïde qui est là. Et tu m'as dit, mais t'inquiète, on va faire attention. Donc, on a gardé ce qu'on avait mis en place. Moi, je continue à faire du sport, à marcher régulièrement. Sauf que là, je me sens plus bien du tout. Je retombe en fait pas dans mes anciens délires, mais c'est vrai que je me sens pas bien parce que j'ai de nouveau des formes que je n'avais plus. Et là maintenant, je m'en rends compte quand les gens m'avaient dit oh, t'as maigri, t'as perdu, et que je rentrais dans mes jeans en 40, et au 38-40, j'étais contente parce que je remettais quand même du 38-40 suivant les formes de pantalon. Et c'est vrai que là, j'étais contente. J'avais pour ainsi dire pas de ventre, alors que j'avais quand même mes trois enfants. Et j'étais contente. Et là, je l'ai vue. Là, il y a à peine un an, je me suis dit, mais oui, t'étais bien à ce moment-là. T'avais tes trois enfants, t'as eu des jumeaux, t'as eu des traitements qui t'ont embêté pendant quelques années, mais t'avais retrouvé un poids correct et une forme au niveau de mon corps correcte, que là, je n'ai plus en fait. J'ai repris du ventre, j'ai repris des fesses, j'ai repris de la queue de cheval, j'ai repris des cuisses. Alors, pour les gens extérieurs, ils vont me dire, ah mais non, mais t'es bien comme ça. Mais moi, je suis très serrée dans mes pantalons. Je remets des choses plus ou moins amples parce que j'arrive à retrouver des petites choses qui sont amples. Mais du coup, il y a des choses que je ne me mets plus ou que je ne peux plus mettre parce que je me sens serrée dedans. Et là, je retombe dans mes anciens souvenirs, si on peut dire, à me redire, t'es grosse, enfin, t'as repris des kilos. Et les gens, je suis sûre, ne me voient pas comme ça. Mais moi, je me sens pas bien du tout, du coup. Je retourne dans une spirale. Alors, je continue à manger correctement parce qu'évidemment, tu es là, tu me soutiens et tu m'aides. Mais c'est compliqué. Oui, c'est vrai que là, enfin, si je me rappelle, on a toujours entendu que ce soit dans des moments de famille avec des cercles plus ou moins proches, j'ai toujours entendu, mais non, mais Marie, t'es très bien. Puis ça a toujours été un sujet, c'est-à-dire que quand maman commence à parler de son poids, ça a toujours été un sujet de, oh, mais t'es très bien comme ça. Quand je repense à ça, je me pose la question, est-ce que toi, t'as de l'impression qu'au niveau de ton poids, tu te sens pas légitime? Enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas? T'as l'impression que par rapport aux autres, du coup, les autres te considèrent pas par rapport à ce que toi tu peux souffrir aujourd'hui? Oui, c'est ça. Je pense que les gens, enfin, voient pas ce que moi je ressens. Aujourd'hui, t'en es où là dans ton corps aujourd'hui? Ah bah là aujourd'hui, je refais. Alors je fais un peu plus de sport. On a remis un peu plus de sport en place pour essayer de décrocher justement ces quelques kilos qui m'empoisonnent. Bon, de toute façon, par rapport à ces douleurs, de toute façon, ça reste que de la marche. De toute façon, t'es limitée quand Oui, même. Donc, marche, marche, course. natation. Ouais, bon, bah, Après tout ce ça. qui est course, run et tout ça, je peux pas parce qu'il y a trop d'impact au niveau des articulations et au niveau de mes chevilles. Déjà, quand je marche, des fois mes chevilles me font mal et je peux pas du coup courir. J'ai pas le droit de faire de courir. Enfin, j'ai pas le droit. C'est vaut mieux pas le faire en fait parce que tout ce qui est un impact, les sauts et tout ça, c'est pas bon pour mes articulations en fait. La marche, après, c'est déjà très bien. La priorité, c'est que tu bouges et que tu restes pas C'est ça. sédentaire. C'est ça. Donc. Donc je prends sur moi et je me dis bah oui il faut que j'aille. Mais c'est vrai que des fois j'y vais puis je me dis qu'est-ce que je m'embête à aller marcher parce que j'ai pas envie d'y aller, mais je me force à y aller en me disant de toute façon tu vas aller, Émilie, tu vas aller la voir tout à l'heure et elle va te dire plus 1 ou moins 200 grammes. Et pour moi moins 200 grammes c'est comme si j'avais rien perdu. Et des fois j'ai l'impression d'aller marcher mais qu'il n'y a rien derrière qui se passe. Alors c'est vrai hein, c'est beaucoup psychologique aussi hein, ça je le reconnais, mais c'est vrai qu'aujourd'hui actuellement je retourne dans un corps qui ne me plaît pas. Et puis, comme tu m'as dit la dernière fois qu'on s'est vu, enfin, là aujourd'hui, du coup, t'es retombé sur ton 40, Oui. qui est serré, et tu t'interdis de vouloir acheter du 42. C'est ça, je te l'ai dit il n'y a pas longtemps, je l'ai encore dit à ton père il n'y a pas longtemps, je m'interdis de m'acheter du 42 parce que je me dis que si je prends le cap de mettre du 42, je vais me sentir bien dedans. Et si un jour je me sens un peu serré dans mon 42 pour X raisons, pourquoi mon corps voudrait pas redescendre, enfin mon poids ne redescendrait pas, après ça va être quoi? 44, 46 et non. Donc je me dis non, 42, je ne mettrai pas du 42. Alors actuellement, je mets mes jeans en 40. Le matin, je rentre un peu le ventre pour les mettre. Dans la journée, ça se détend un peu, donc je suis un peu plus à l'aise, mais je suis serrée. Qu'est-ce que je peux te souhaiter, ma petite maman? Et je sais pas. De me sentir bien dans mon corps, je pense. Bah oui, c'est normal, ça a toujours été. Il y a un petit peu d'émotion. Moi, je t'ai toujours connue en conflit avec ton corps, et c'est vrai que c'est même. En tant qu'enfant, c'est pas toujours évident parce que bah, on est un peu impuissant et comme je l'ai pardon comme je l'ai souvent dit et les gens de mon entourage rigolent quand je dis ça, mais je pense que je suis pas diététicienne pour rien. Alors je l'ai pas fait pour dans la conquête d'aider ma mère, hein, on est bien d'accord, on n'est pas à ce point-là. Mais je pense que oui, je pense que indirectement, bon, j'ai toujours aimé manger, les gens qui me connaissent le savent, j'ai toujours aimé manger, je me suis toujours intéressée au corps, c'est quelque chose qui, du coup, je trouve hyper important. Et voilà, si je pouvais faire en sorte que tous les gens qui se sentent pas bien aujourd'hui dans leur corps retrouvent un équilibre et que je puisse les aider, c'est ma volonté. Mais effectivement, ouais, t'as toujours été en difficulté avec ton corps et c'est pas évident. Mais voilà, comme je pense, on en a discuté, peut-être qu'un accompagnement parallèle avec d'autres professionnels pourrait t'aider aussi à bosser là-dessus. Et puis voilà, là, t'as eu beaucoup de choses ces dernières années entre tes bateaux, tout ça, donc laisse-toi aussi le temps. Parce que bah, tu le sais, de toute façon, Bah oui. vu ton métabolisme, ça mettra du temps de toute façon, mais étape par étape et sois pas trop gourmande, essaie aussi d'accepter un corps, Bah même oui. si... Enfin, tu retomberas jamais à 50 kilos, enfin, malheureusement aujourd'hui on le sait, mais voilà, si tu arrives à redescendre et que tu arrives à réaccepter ton corps un peu plus facilement, ce sera déjà, je pense, une bonne victoire pour toi. Bah c'est ça, si je peux au moins reperdre encore enfin perdre un petit peu, je dis pas redescendre à 55, je sais que je pourrais plus y arriver maintenant, mais si je pouvais redescendre, on va dire les 57 kilos, alors qu'avant c'était 53, 54, 57, mais au moins me sentir bien dans mes pantalons en 40 et pas me sentir serré comme je suis actuellement, je pense que pour moi ça serait déjà une victoire. Parce que moi, du coup, je sais le poids aujourd'hui, mais resitue, du coup, enfin, ce qu'on l'a dit en tout début d'épisode, aujourd'hui, t'es à combien en termes de poids? Bah aujourd'hui, je suis à 64 kilos. Donc 64, oui, donc Ça me fera idéalement, encore 7 kilos à perdre, redescendre. à redescendre. Parce qu'avant, enfin, au tout début qu'on se voyait, je te le disais, hein, je retrouvais mes 52 kilos, au moins 52. 50, tu m'as dit, ah ben non, mais maman, tu as des enfants, enfin, tu as des pathologies, tu pourras pas. Alors, je me suis dit, bon, allez, 53, 54. Bon, après, j'ai dit 55. Bon, maintenant, j'accepterai le 57 parce que je sais que si je perds 7 kilos, automatiquement, je vais me ressentir mieux dans mon 40. Même si je garde mon 40, c'est pas grave. 40, ça me dérange pas. Mais que je me ressente à l'aise dans mes vêtements, c'est surtout ça. Et puis par rapport à il y a 10-12 ans aussi, tu as eu des étapes de femme aussi. Enfin, je veux dire, maintenant tu es ménopausée, enfin, il y a C'est ça. plein de petites choses aussi qui peuvent expliquer que ton poids a légèrement varié et que tu ne réatteindras pas un poids que tu as fait il y a 15 ans, quoi. Oui, c'est ça. Parce que moi, on m'avait dit, bah, avec la ménopause, de toute façon, tu vas grossir. Parce que la ménopause fait grossir. Alors, j'ai eu cette chance, c'est que j'ai été ménopausée de bonne heure et j'ai pas vraiment grossi tout de suite après la ménopause. J'ai vraiment repris des kilos que. Enfin, si j'en ai pris un peu avec la ménopause, j'ai dû en prendre deux ou trois. C'est pour ça que je dis 55 kilos, parce qu'une fois ménopausée, j'ai atteint les 55 kilos. Mais ils ne bougeaient pas ces 55 kilos-là. J'ai vraiment regrossi qu'après. Donc, voilà. Mais bon, après, c'est comme ça, et il faut que je fasse avec. Mais c'est vrai que pour moi, c'est pas facile. Faut que tu travailles sur l'acceptation. C'est ça. Avant de terminer, je vais te poser les deux questions que je pose à tout le monde. À quel moment ton corps t'a-t-il fait le plus souffrir? Et dis-moi aujourd'hui quelque chose de positif sur ton corps. Alors, il m'a fait le plus souffrir, bah, c'est quand j'ai pris tous ces kilos à cause de ma thyroïde et ces kilos qui n'étaient pas des bons kilos, comme pour mes grossesses. Donc ça, ce moment-là, c'était compliqué, parce que je ne pouvais pas perdre comme je voulais. Et là, mon corps a vraiment, on va dire, changé en tant que tel. Et c'est là où j'ai le plus souffert de ça. Et quelque chose de bien sur mon corps, oh là là, alors ça va être très compliqué. Parce que moi, mon corps, je l'aime pas. Alors, bah, moi, mes yeux, je les trouve beaux. J'ai des yeux clairs. Alors oui, je les trouve beaux. Ça, il n'y a pas de souci. Ok. Mais sinon, Ça me non. va. Déjà, tu as trouvé un point positif, c'est déjà très bien. En tout cas, merci pour votre écoute. Merci, maman, pour ton témoignage. Il y a des moments où la vie bah, donne certaines étapes et enfin, il y a certaines étapes de la vie où l'acceptation de son corps n'est pas toujours évidente. Laissez-vous du temps et n'oubliez pas qu'il n'y a pas que cette histoire de chiffre de poids. Et des fois, c'est bien aussi de pouvoir se dire, on peut être aidé autrement. Des fois, d'accepter aussi son corps, de travailler plus sur l'acceptation, que de vouloir absolument redescendre un poids, limite qu'on n'a jamais fait, ou alors un poids qui date d'il y a 25 ans. Laissez-vous du temps et n'hésitez pas à pousser d'autres portes si les portes que vous avez poussées ne vous ont pas aidé à avancer jusque-là, ou alors que c'est pas suffisamment, enfin c'est pas encore suffisant. Merci pour votre écoute. Si vous souhaitez témoigner pour faire partie des prochains épisodes ou échanger sur l'épisode d'aujourd'hui, on se retrouve sur Instagram, sur la page Raconte-moi ton poids. En attendant, je vous dis à très vite pour de nouveaux témoignages et soyez libre de votre poids.